On peut avoir encore quelques minutes pour un débat général, hein, si, qui reprenne l'ensemble de la journée, s'il y a des questions sur l'ensemble de... Il était question d'une pétition à faire. Donc, oui, moi, ce que je pensais, c'était que pour, dans chaque, comment dire, futur commue, il faudrait peut-être effectivement, enfin, qui ne deviendront pas des COMUE, parce que évidemment nous allons obtenir un moratoire. Donc il faudrait sans doute interpeller les personnels directement. Il y a une pétition généraliste pour demander à la fois un moratoire et un débat, c'est très bien. Mais je pense qu'il faudrait faire des pétitions ciblées à l'attention des personnels qui se sentiront là concernés, et des pétitions formulées de telle manière que chacun peut les signer. Hein. On demande un moratoire pour réfléchir, prendre connaissance des enjeux. Et je pense qu'il vaut mieux demander des débats institutionnalisés, parce que nos collègues n'aiment pas forcément se rendre dans des assemblées générales, et qu'en revanche, un débat qui est organisé par l'institution elle-même ne peut que recueillir tous les suffrages. Donc je pense qu'il faut se battre sur ces deux demandes, des débats institutionnalisés où personne n'aura peur de venir et qui ne sont pas des choses révolutionnaires, hein, comme des AG, mais des débats organisés par les institutions elles-mêmes. Et je pense qu'il faut demander des débats organisés par les institutions. Je voudrais juste répondre un petit peu à ça, parce que donc, SPC Paris 7, je ne suis pas a priori contre ça, mais le problème c'est qu'on a devant nous un mois et demi, hein, je crois qu'il faut être à peu près honnête, en période d'examen, d'accord, en période de séminaire, en période de congrès, etc. etc. Donc on n'est pas n'importe quand dans l'année non plus. Ça, c'est déjà un premier point, et je crois qu'il ne faudrait pas perdre son temps à observer des virgules du texte, donc mettre un mois à l'écrire pour porter ça, et finalement, ça ne toucherait personne. D'autre part, à Paris 7, il y a eu quand même, et tu l'as rappelé, une concertation de grande envergure qui a duré 6 mois, qui a donné lieu à un rapport qui est très intéressant par ailleurs. En dehors même de ce problème-là, il est intéressant parce qu'il donne une vision de l'université. On peut le lire. Il y a différents niveaux de lecture de ce rapport. Et bien, ce rapport a existé. Il y a eu une présentation du rapport. À l'époque, Berger était encore président. Il n'était pas encore conseiller de Hollande. Et ce rapport, il a servi qu'à une chose. Caler un meuble. C'est tout. Alors, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce type d'exercice. Je crains, en fait, que ça ne serve vraiment pas à grand-chose. Alors, évidemment, quand on dit ça... On ne propose rien. Je suis tout à fait d'accord. Je ne propose pas quelque chose de très précis en termes d'action pour essayer de faire avancer les choses. Néanmoins, ce que je n'aimerais pas, c'est qu'on se donne en quelque sorte un peu bonne conscience une énième fois. Qu'il y ait un déficit d'information, je suis prêt à l'admettre, mais je suis prêt à admettre que, comme pour le fonctionnement de l'Europe, il y a une quantité énorme de gens qui s'en foutent. Et il faut savoir le prendre en compte. Il faut savoir, et il faut admettre qu'il y a des gens que bah, ces problèmes, ça ne concerne pas, ou alors pour eux, c'est cosmétique, qu'on s'appelle commu, qu'on s'appelle association, SPC, Paris 7 ou Paris 13, ça ne changera rien. Finalement, c'est la paillasse qui compte, c'est de savoir si on aura les produits à mettre dans les bons tubes. Et donc, ces gens-là, on aura beau faire preuve de pédagogie, de réunion institutionnelle, etc. Je ne pense pas, très sincèrement, que ça changera grand-chose. Donc, ne nous donnons pas bonne conscience en sortant la énième pétition, en faisant la énième AG ou la énième réunion institutionnelle. Regardons la réalité. La réalité, elle est là, je veux dire. Elle est là. Et il faut la prendre en compte. Je peux me permettre de prendre une seconde la parole pour dire, bien entendu, cette réunion aujourd'hui je remercie toutes les personnes qui sont venues de l'extérieur et dans le cadre de politique des sciences. Par ailleurs, on ne peut que constater la faiblesse du personnel et des étudiants de l'EHESS. Je vous ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de personnel non enseignant, d'ailleurs, que du personnel enseignant de l'EHESS. Mais il y a dans l'EHESS un sentiment d'urgence sur cette question qui s'exprime, il faut voir sous quelle forme ça peut s'exprimer, mais qui va certainement s'exprimer, peut-être dans les instances d'ailleurs qui vont se réunir. Et je pense qu'il y a quelque chose que nos efforts, je pense, d'information et de mise au courant des enjeux va provoquer et dans l'opinion universitaire. Établissement par établissement, avec des projets de convention dont on ne sait pas très bien qui les lit, mais je pense qu'il y a un effet d'opinion sans doute qui vient de ces dernières semaines, très difficile à évaluer. Il y a des tas de gens qui sont dans d'autres endroits qui en sont plus le témoin, mais je pense que la ministre, ou la secrétaire d'État qui était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ne peut pas tellement ne pas tenir compte de ça. Et je pense que localement, il peut y avoir des refus, des sorties de commus, des choses comme il y a eu. Et je ne suis pas complètement convaincu de l'idée d'espèce de rouleau compresseur comme ça, gouvernemental. Je pense qu'il faut continuer sous mille formes, sur des tas de formes de mise au courant, d'usage des listes, de publication. Je pense que ça ne peut que prendre du temps. Ce qui n'est pas qu'il faut s'arrêter. Ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde la dynamique... Lorsqu'on regarde la dynamique de mobilisation de ces derniers mois, on voit que c'est à travers la presse que les choses sont passées, et non pas à travers des AG, etc. Donc je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est à l'adresse de la presse, parce que la presse est un bon relais. Il y a des gens compétents dans des journaux qui vont des journaux classiques à des journaux peut-être qualifiés à droite, mais ça n'a aucune espèce d'importance, tout cela. Des gens compétents qui sont prêts à nous écouter, à comprendre. C'est un véritable effort aussi pour eux. Si c'est compliqué pour nos collègues, pour les journalistes, autant vous dire que tous ces acronymes et toutes ces histoires de communes, de trucs et de machins, c'est incroyable. Donc essayons de passer plutôt, mettons nos efforts sur la presse, mettons nos efforts peut-être sur les députés, et en un mois et demi, on a, à mon avis, beaucoup plus de chances que de faire un effort à l'adresse de nos collègues. Moi, c'est mon point de vue. Moi, je pense que de toute façon, les deux ne s'excluent pas. C'est pas exclusif. Et que, nos collègues, ce sont nos collègues. Et je vois pas comment on pourrait envisager une action quelconque sans nos collègues. Oui, je pense qu'il faut prendre la bonne vieille leçon qui est de dire qu'il faut saisir tous les moyens pour que l'opinion se transforme, se constitue. Et donc la presse, bien entendu. Mais oui, c'est pas exclusif. Oui, là, quand tu as proposé une initiative, je me demandais si c'était national ou, alors visiblement, non, tu dis institutionnel, donc local. Moi, je vois ce qui se passe, par exemple, sur Paris 6. Nous avons eu une discussion au Conseil académique sur ces questions... quand je dis discussion, c'était... point d'information, on a envoyé une volée de bois vert à notre président par rapport aux mensonges et hontés qui sortaient. Ça s'est relativement mal passé pour lui. Et maintenant, de fait, il a supprimé deux conseils académiques plaignés. Et même, ils ont tellement peur, ils ont même supprimé un conseil académique restreint. On devait avoir un conseil académique restreint cet après-midi. Donc la question ne sera pas posée. Et donc là, on est clairement dans des passages en force et dire oui, nous sollicitons courtoisement auprès de nos présidents si bien élus par la LRU qui fait qu'in fine, ce sont les, comme au football, c'est l'Allemagne qui gagne, et bien là, ce sont les mandarins hospitaux universitaires ou les profs de droit qui gagnent. Solliciter de ces instances locales qu'elles aient l'extrême générosité de permettre un débat. Ce débat est dans la presse. Je trouve insensé, Pascal l'a l'a dit. Il y a eu 4 ou 5 ou 6 articles dans Le Monde. Il y en a eu 2 ou 3 dans le Nouvel Obs. Il y en a eu 3 ou 4 dans le Figaro. Il y a eu même les Inrocks, 20 minutes, enfin que sais-je. La liste est absolument... Il y a eu même... Fioraso a été obligé de faire du damage control de la communication de crise en allant sur LCI et à BFM Business pour raconter tout un tas de choses où elle tordait pas mal la vérité. Donc clairement, au niveau de la presse, le citoyen français moyen a été informé sur ces questions de, enfin, autant que faire se peut sur ces questions techniques de Comuet, et dans nos universités, c'est un silence assourdissant. Et nos syndicats ne font rien pour briser silence, à part quelques communications flash du SNESUP subliminal, et quant à moi SNCS, par exemple, en CA, il y a eu une motion contre la Comuet, et j'attends toujours, au bout d'une semaine, qu'elle soit sur le site, et elle ne le sera jamais. Bon, donc, arrêtons de dire, non, il ne faut pas que ça soit des AG, parce que les AG, c'est un peu révolutionnaire et ça fait peur aux gens. Faisons quelque chose de gentiment institutionnel. Non, il n'y aura rien au niveau institutionnel. Oui, mais justement, donc là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème aussi par rapport à l'état de droit. Voilà. Je vais aller dans le sens de Jean-Marie. Moi, je suis à Paris, hein, et à Paris, hein, donc, on ne sait rien. Donc, c'est notre presse, ces âmes. Sinon, qu'on a su par la presse, en effet, que ça bloquait dur et qu'il allait, il avait fallu recourir à des médiateurs. Donc nous, on était... lequel, je ne sais plus, je retrouverai. Hein, c'est passé, mais bon, du coup, je l'ai passé sur la liste de diffusion de Paris 1. En interne, sur la liste de diffusion de Paris 1, c'est un silence de mort. Bon. Et donc, on part du principe, en effet, j'abonde dans ce sens-là, malheureusement, que ça, en fait, ça passe en force. Ça passe en force. Alors, c'est forcément, c'est vrai que j'y vais pas, mais c'est forcément discuté au Conseil du FR. Moi, je siège pas dans les instances. Donc, en réalité, je dirais, le C de base de Paris 1 ne sait rien. Bon. Et donc, on en est réduit à faire des conjectures, puisque, bon, dans notre presse, ESAM, nous sommes Paris 1 et l'école de hautes études et EPHE. Et après, ce sont que des écoles. Donc, on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. Oui, bien sûr, il y a également... Alors, ce qui est très... Oui, tout à fait. Non, mais je ne dis pas le contraire. Mais si vous voulez, ça pose un problème parce que la seule institution qu'ils ont, qui soit universitaire et qui ait un premier, un deuxième, un troisième cycle, c'est nous. Enfin, j'entends, il n'y a qu'une fac complète, puisque l'école des hautes études commence au deuxième cycle. Et donc, il commence à y avoir des rumeurs sur qui va faire les masters. Et vous qui faites le premier cycle, après tout... Vous n'êtes pas en droit de faire les masters, on va récupérer les masters à l'école. Ça fait une ambiance agréable. Vous voyez, c'est aimable, quoi. Bon. Mais parce que les gens ne savent pas, enfin, j'entends, il n'y a pas d'information. Comme il n'y a pas d'information, évidemment, vous voyez, enfin, chacun est libre d'élaborer le futur plan. Moi, ce que j'ai su par la presse, c'est que tout était bloqué. Alors, cette fois, c'est bloqué au niveau des instances des représentants de chacune des composantes, si vous voulez. Ça bloque. Voilà. Moi, je l'apprends par la presse, hein, pas par ma fac. Bon, donc je pense en effet. Bon, tout à l'heure, j'ai une amie qui est à Rennes, elle me dit passe en force, les Comuet passent en force à Rennes 2. Bon. Donc en réalité, c'est quand même sans doute ça qui est en train de se passer. Ça expliquerait les délais très courts. Et alors, effectivement, dans cette configuration, quel moyen, sinon, effectivement, de dénoncer mais autrement, enfin. Quel moyen, en effet. Enfin, il faudrait presque lancer, évidemment, idéalement, on n'a plus le temps, mais lancer un référendum, ça serait fantastique, quoi. Des EC de base. Et effectivement, aussi, j'ajouterais, comme toi, hein, malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, bon, moi, je suis affolée de voir à quel point nos syndicats ne disent rien, quoi. Voilà. Moi, je suis affolée. Ouais. En fait, moi, je me demande si on ne devrait pas attaquer le problème aussi, alors... Je pense qu'effectivement, il y aurait peut-être un petit peu de travail à faire au niveau des UFR, mais aussi attaquer le problème, parce que les collègues, comme quelqu'un l'a dit il n'y a pas longtemps, ils n'ont même pas encore saisi la LRU1, c'est-à-dire que, enfin, ils commencent à la saisir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, enfin, qui se rendent compte quand même que leur enseignement commence à être dirigé. On a des, bon, à Paris 6, par exemple, on a des retombées, c'est le directoire d'enseignement qui règle tout, en piétinant complètement tout ce que veulent faire les gens à la base. Et donc, montrer aux gens que là, déjà, on a des étages qui sont inatteignables avec la LRU, c'est-à-dire que la présidence règle tout dans l'université, mais que là, ça va être encore plus loin. Il y a un étage de plus, une couche supplémentaire, et peut-être leur montrer par là. Mais je pense qu'effectivement, la plupart des gens ne voient pas la réalité de ça. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les effets sont ceux de la LRU, mais avec un étage de plus. C'est-à-dire que ce ne sera même pas ton président qui dirigera les trucs, ce sera quelqu'un que tu ne connaîtras même pas. Oui, mais il y en a déjà. Actuellement, il y en a déjà. Non, mais ce que je veux dire, par exemple, pour les syndicats, c'est absolument clair qu'ils sont en train de se positionner sur une grand-messe qui va avoir lieu au CNRS, où on va nous sortir, mon Dieu, les moyens ont baissé. Parce que là l'argument monétaire, on pense que c'est plus facile à faire passer au niveau du grand public. Donc, mon Dieu, il n'y a plus d'argent. Il nous faut un plan pluriannuel, etc. Enfin, ce genre de phrases creuses, élaborées, rue de Solferino. Là, donc, qu'est-ce qui se passera? On va avoir un parfait retracement de ce qu'on avait connu au moment de 2009, où il y avait des AG bouillonnantes. Les syndicats se trouvaient pas mal débordés par ça. Et on dit, bon, on va créer des coordinations de labos avec des directeurs d'unité, des choses, des gens sérieux, avec la C3N, des gens encore plus sérieux. Et puis tout ce beau monde ira discuter avec Madame Pécresse. Et puis après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tous ces gens de la C3N, à savoir trois personnes qui sont sorties du ministère en disant, on a réussi à voir que les 100 postes qui avaient été enlevés du concours du CNRS sont partiellement remis, donc grande victoire. On va nous refaire ce coup-là. On a un retracement exact de ce qu'on a vécu en 2009 avec la LRU ici, avec la LRU 2, où on nous sortira 3-4 euros et 3-4 postes, et très probablement ça se passera comme c'était pour ces postes. On ne saura même pas s'ils existent et s'ils sont un avenant sur l'année 2017. Je veux dire, c'est à pleurer de voir que nos syndicats sont dans cette facilité là de défense soi-disant du pouvoir d'achat, etc., alors que là on est en train de détruire les libertés universitaires de façon irréversible, et ça c'est d'une gravité extrême. Et alors effectivement, les gens réagiront une fois qu'il sera trop tard, mais il sera trop tard. Et je veux dire, une fois que les communes sont passées, on se pose vraiment le problème, est-ce que ça vaut le coup même de faire du syndicalisme, de continuer quoi que ce soit? Enfin, on est dans autre chose. Et là, l'extrême gravité apparaîtra au vu de tous, mais il sera trop tard. Bon, moi, je voudrais quand même dire que je pense que c'est un tort de ne pas demander un débat institutionnalisé. Pourquoi? Évidemment, il ne sera pas accepté. Et alors? Eh bien, justement, on dit... Eh bien, vous ne voulez même pas d'un débat institutionnalisé. La presse, bien sûr, je veux dire, mais c'est pas exclusif. Les personnes ne viennent pas en AG pour ce genre de pour la commuer. Donc, on peut tenter cela, demander un débat. Justement, ils veulent pas du débat. Quel est le problème à demander un débat? Je me demande si notre présidence de l'école ne se tâte pas pour savoir si elle va pas faire un débat. C'est-à-dire que, donc on va voir, là, on ne sait pas, hein, mais c'est pas impossible. Mais ça n'est qu'un élément de désarmes. Mais là, Paris 1 est ici, par exemple, pour les armes, mais il n'y a pas d'autres représentants des armes, par exemple. Et donc, c'est vraiment aussi une mobilisation au niveau de ces regroupements tels qu'ils sont actuellement. Quoi il faudrait penser? Oui. Membre du CHSCT de l'école, de l'EHESS, on a eu donc un CT-CHSCT il n'y a pas longtemps, où on nous a donné pour information des documents sur le statut ESAM en cours, sur les trajectoires ESAM, où on nous a fait tout un discours de bienveillance, que c'était l'avenir et qu'il fallait appliquer la loi. Et en aucun cas, quand nous avons demandé une AG, des personnels, il nous a été refusé. Clairement, il n'y aura pas d'AG de personnel sur ce thème, puisque nous utilisons les instances pour faire passer les informations. Charge à vous, représentants des personnels, de diffuser l'information que l'on vous transmet, à savoir des textes incompréhensible ou de la sémantique pour politique. C'était le 20 mai. Juste pour donner un exemple de ce qui se passe sur le plan institutionnel. Mérindol a convoqué des CT de Paris 3, Paris 5, Paris 7, Paris 13. D'accord, il les a convoqués, il en a fait l'ordre du jour. Le but de Mérindol était de présenter le projet. Il n'était pas question, en fait, il n'était aucunement question de le discuter. Il a été très difficile de convaincre les collègues qui siègent dans les CT de refuser l'invitation de Mérindol. Ça a été très difficile. Certains y sont allés, certains syndicats ont été au rendez-vous de Mérindol. Quand on voit de quelle manière le pouvoir institutionnel, c'est-à-dire soit SPC en la personne de Mérindol, ou même Clérici à Paris 7 agit, moi je crains vraiment que toute demande de débat institutionnel soit vouée à l'échec ou soit biaisée, ce qui serait pire. Merci, je crois qu'on va prendre la dernière question parce qu'il faut arrêter, il va y avoir un séminaire ici dans quelques minutes, donc on va bientôt cesser ça. Ce n'est pas une question, c'est juste pour remonter un petit peu le moral général. Je voulais vous rappeler qu'il vient d'y avoir un tout petit peu. Je pense qu'il y a moyen d'action sur les conseillers dans les CA. Maintenant, on en est là plutôt. Il vient d'y avoir une motion votée par le CA de Poitiers et une autre par le CA de Rouen demandant un moratoire sur ces problèmes de communes. Donc on est déjà... voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire peut-être pour conclure. Et je pense que c'est quand même lié par rapport à ce que vient de dire Jean-Marie tout à l'heure, au fait de savoir si les forces syndicales sont à la gestion d'université ou pas. Dans les deux cas que je viens de citer, le SNESUP est dans l'opposition à la direction. D'ailleurs, il va y avoir un CA demain à l'école et un conseil scientifique donc, qui vont débattre de ça. Bien, bah, écoutez, merci infiniment pour cette discussion. Merci à Michel qui a été le grand organisateur de la journée. Et merci à vous tous qui êtes venus discuter. Et bon courage donc pour vos entreprises associationnistes.